Un petit enfant vivant humblement parmi les hommes n'a rien de bien spécial de prime abord, sauf s'il s'appelle Jésus de Nazareth. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Les Écritures nous exhortent à offrir sans cesse gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse mentionne que Jésus-Christ est digne de recevoir gloire, honneur et puissance. Il est donc certainement digne de recevoir notre louange. Mais pourquoi? Qui est cet homme devant lequel tout genou fléchira? Qu'a-t-il de si spécial? Le message central de l'Église n'est pas la crucifixion de Jésus, mais sa résurrection. Bien sûr, la crucifixion est une étape essentielle du ministère de Jésus, mais seule sa résurrection nous confirme qu'il est plus fort que la mort. Aujourd'hui, à En Contact, Charles Stanley décrit Jésus-Christ comme notre Rédempteur et bien sûr un homme digne de notre louange. Commençons par lire l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8. Nous trouvons dans ce passage un des épisodes les plus connus de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Nous l'avons probablement tous lu plusieurs fois, mais j'aimerais tenter avec vous une approche un peu différente. On se rappelle que les foules s'étaient rassemblées autour de Jésus. Il avait donné l'ordre à ses disciples de monter à bord de leur embarcation pour passer de l'autre bord du lac. Joignons-nous à eux dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, les versets 23 à 27. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» En lisant ce passage, on peut d'abord se demander quel genre d'homme était ce Jésus pour pouvoir dormir, quand l'esquif dans lequel il avait pris place se faisait secouer, brassé par les vagues gigantesques, gonflé par un vent furieux et mugissant qui risquait de le couler à tout instant. Comment un homme peut-il trouver le repos au milieu d'une telle tempête? Il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un homme digne de notre louange. Pourquoi Jésus n'avait-il pas peur alors que ses disciples étaient terrifiés? Parce que cet homme, qui dormait sur le bateau malmené par les vagues, avait créé l'eau, les vagues et les tempêtes. Il avait créé tous les océans. Et le flux et reflux constant des vagues n'avait aucun secret pour lui. Il avait créé la lune qui suscite les marées et il avait ordonné toutes les lois de l'univers. Toute chose créée lui doit son existence, et il en connaît tous les aspects. Il sait comment faire fonctionner toute chose, et il sait comment les arrêter. Il peut contrôler et modifier toutes les lois de la nature, car il les surpasse toutes. Il connaît tout ce qu'on peut connaître sur toute chose, passé, présente et future. Il connaît toute la création. Et puisqu'il connaît toutes ces choses, aucune partie de sa création n'est hors de sa portée ni au-delà de son pouvoir. Rien ne lui est impossible. Rien ne peut lui nuire ni compromettre son objectif. Aucun ennemi ou rival auquel il fait face ne peut remettre en question son omnipotence. Il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un homme digne de ma louange, de ma dévotion, de mon amour, de mes possessions et de ma vie tout entière. Mais ses disciples n'avaient connu un tel homme. Ils se demandaient donc qui il était. Quel est celui-ci? Car ils n'avaient jamais rencontré un Dieu en chair et en os. Quel genre d'homme était-il? Quel genre d'homme pouvait se laisser crucifier entre deux criminels alors qu'il n'avait rien fait pour mériter un tel sort? Quel genre d'homme pouvait se laisser ainsi crucifier, non par sa propre faute, car il n'avait jamais rien fait de mal? Quel genre d'homme pouvait prendre sur lui, non pas ses propres péchés, car il n'en avait commis aucun, mais prendre sur lui les péchés de toute l'humanité, à partir du commencement, au temps d'Adam et Ève, jusqu'aux générations futures de nos enfants et petits-enfants, ainsi que de ceux qui les suivront? Peu importe si cette vieille planète dure encore plusieurs milliers d'années, peu importe si elle reste habitée par une humanité pécheresse, nous parlons présentement d'environ 6 milliards d'habitants, sans compter ceux et celles qui ont vécu avant nous. Et si Jésus ne revient pas bientôt, il pourrait y en avoir des milliards d'autres à l'avenir, tout aussi pécheurs. Or, en une fraction de seconde, au moment choisi, dans un instant dramatique, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, un homme digne de notre louange, a pris sur lui tous les péchés du monde, et ce, à toutes les époques. Il les a portés et s'est fait crucifier. Il a versé son sang afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. De quel genre d'homme la Bible nous parle-t-elle ici? Les Écritures relatent que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau scellé par les soldats romains. Il n'existe aucun doute à ce sujet. Les ennemis de Jésus, après l'avoir persécuté et assassiné, craignaient que les disciples ne viennent de nuit dérober le corps de Jésus pour faire croire en sa résurrection. Ils avaient donc pris toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas. Mais Jésus est sorti lui-même de son tombeau. Quel est ce genre d'homme que même la mort ne peut contenir ni vaincre? Quel genre d'homme peut triompher même de Satan? En effet, quelques jours plus tard, le tombeau était vide. Rien ne peut retenir cet homme, car, rappelez-vous, il est au-dessus de toute sa création. Il la contrôle parfaitement. Quel genre d'homme est celui-ci? Ils l'ont crucifié et assassiné. Ils ont percé ses mains et ses pieds avec de gros clous pour le fixer à la croix. Ils l'ont entendu crier, comme le rapporte l'Évangile de Luc, chapitre 22, verset 46. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et pour bien finir le travail, ils lui ont enfoncé une lance dans son côté. Pas de doute, Jésus était bien mort. Il a ensuite été enveloppé dans des vêtements funéraires, comme n'importe qui. Cependant, quand on l'a vu, quelques jours plus tard, il n'était plus habillé comme un mort. Et il marchait de nouveau parmi les hommes. Quel genre d'homme peut sortir d'un tombeau bloqué par une gigantesque pierre après avoir été crucifié? Quand ils ont pénétré dans le tombeau, à présent vide, on n'y a trouvé que ses vêtements funéraires, soigneusement étendus et pliés. Un gros homme, entré furtivement dans le tombeau pour prendre le corps de Jésus, aurait-il pu agir ainsi avec les soldats romains placés tout autour? Non! Jésus s'est délivré lui-même du tombeau avant de s'en aller. Quel genre d'homme peut ressusciter des morts? Le seul à pouvoir nous donner à nous tous un espoir de vie après la mort. Par sa résurrection, Jésus-Christ a en effet validé tout son ministère sur la terre. La résurrection de Jésus-Christ nous rend certains d'une chose. Peu importe ce qui nous arrive, la vie présente n'est qu'une étape. Notre vie prolongera au-delà de notre mort physique. Après cela, nous n'aurons pas à faire face à une existence horrible, infinie et inconnue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8 l'affirme. « Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Quel genre d'homme pouvait être investi d'un tel ministère, mourir sur une croix et ensuite ressusciter des morts pour finalement être vu par des centaines de personnes après sa résurrection? Je peux vous dire, par expérience, que c'est le genre d'homme qui rend le travail d'un pasteur beaucoup plus facile. Car lorsque je me tiens près d'un cercueil et que je dois m'adresser à une famille écrasée par le deuil et rongée par le chagrin, je peux laisser cet homme Jésus-Christ, qui vit dans mon cœur, apporter réconfort et force aux gens. La résurrection de cet homme, Jésus-Christ, me permet de leur dire, « Ce corps n'était qu'une demeure temporaire, et votre séparation n'est que temporaire. Elle aussi, car je sais que la mort ne peut pas séparer Dieu d'un de ses enfants. » Et bien que ce corps soit maintenant sans vie, je sais que son esprit est maintenant plus vivant que lorsqu'il marchait sur cette terre. N'oubliez pas que vous êtes également des enfants de Dieu. Notre Seigneur ne permettra donc pas que vous soyez séparés de lui. Nous nous retrouverons tous un jour pour l'éternité. » Or, sans la résurrection de Jésus-Christ, quel espoir aurions-nous? Nous n'aurions aucune certitude de vie après la mort. Nous ne serions pas certains de nous retrouver avec Dieu. Or, après avoir été en présence du Père, Jésus-Christ, en marchant sur la surface de cette terre et en s'offrant sacrifice acceptable devant le Père, nous a donné un espoir vivant et éternel. Peu importe les joies et les peines de la vie présente, nous n'avons encore rien vu de ce que la vie éternelle peut nous apporter. Cette vie après la résurrection dont tous les croyants et toutes les croyantes pourront bénéficier. Quel genre d'homme peut dire, dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous » et en même temps dire, dans Jean chapitre 16, verset 16, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, vers le Père. » Quel genre d'homme peut vivre dans mon esprit et être en même temps assis à la droite du Père? Quel genre d'homme est assis en ce moment à la droite du Père, intercédant pour nous? Quel genre d'homme peut m'accepter et m'aimer comme je suis, même s'il connaît tous mes défauts, mes faiblesses et ma fragilité? Quel genre d'homme m'a sauvé en sachant que je le laisserai tomber des milliers de fois? Quel genre d'homme Dieu le Père écoute-t-il parler en ma faveur? Quel genre d'homme connaît tous mes besoins? Quel genre d'homme s'applique à me protéger, à me diriger, à répondre à mes besoins, à m'aimer, à prendre soin de moi et à me pardonner? Quel genre d'homme n'est pas assis à la droite de Dieu pour nous juger et nous critiquer, mais pour rappeler au Père que nous avons tous été rachetés par son précieux sang? Nous qui avons cru en son nom et nous dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quel genre d'homme est assis à la droite du Père, vivant une telle relation d'intimité avec lui, que, lorsqu'il mentionne le nom de ses enfants, le fait sourire? Quel genre d'homme? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un homme digne de louange, digne de notre dévotion, digne de notre amour, digne de notre service, et digne de tout ce que nous pouvons lui offrir. De quel genre d'homme les anges parlent-ils quand ils ont dit aux disciples, dans Actes chapitre 1, verset 11, « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Cet homme était celui qui montait au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Quel genre d'homme pouvait dire, selon Jean chapitre 14, verset 2 et 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quel homme pouvait se permettre une telle promesse? Quel genre d'homme pouvait nous promettre de revenir nous chercher? La Bible affirme que, lorsqu'il reviendra, sans avertissement, en un éclair, les cieux se fendront, un grand cri retentira, et Jésus-Christ reviendra à la tête d'une vaste cohorte d'anges. Ils viendront chercher l'épouse de Christ, qui est l'Église. Quel genre d'homme pourra conduire toute une armée d'anges pour venir nous recueillir là où nous sommes au moment de son retour? Quel genre d'homme pourra venir déterrer les morts de leur tombe ou du plus profond des océans, là où leur corps repose depuis des siècles? Car la Bible affirme qu'à son retour, en un instant, en un clin d'œil, ceux qui sont morts en Jésus-Christ depuis des siècles ressusciteront en premier. Ils ressusciteront dans des corps transformés, immortels et incorruptibles, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Quant aux enfants de Dieu qui seront encore vivants au moment de son retour, comme nous espérons sans doute tous l'être, ils seront eux aussi transformés en un clin d'œil. Avant même de s'en rendre compte, ils seront élevés dans les airs et voleront à la rencontre de notre Seigneur pour rester éternellement avec lui. Qui peut nous faire une promesse aussi merveilleuse? Quel genre d'homme peut ainsi nous préparer une place au ciel alors que nous avons péché contre lui et que nous lui avons désobéi? Toutefois, Il s'est penché vers nous et nous a sauvés de nos péchés. Quel genre d'homme peut nous aimer malgré nos faiblesses et nos échecs et préparer notre arrivée au ciel en sachant le moment exact de notre venue? Ne vous donnez pas la peine de regarder votre calendrier. La date du retour de Jésus-Christ n'y figure pas. Nous pourrions terminer les jours qui nous restent à vivre sur cette terre avant qu'il ne revienne. Cependant, viendra une autre génération comme la nôtre. Ses enfants seront allés à l'église un dimanche matin ou au travail un lundi matin. Il pourrait faire nuit. Or, cela pourrait arriver également en plein jour. Et tout à coup, sans que personne ne s'y attende, pouf! Les enfants de Dieu auront tous disparu. Et le reste du monde, qui n'a pas cru en Jésus-Christ, se demandera ce qui s'est passé. Les gens ne sauront pas ce qui s'est produit à cause de leur ignorance des Écritures. Et pourtant, tout cela aura été planifié de longue date, depuis la fondation du monde. Jésus-Christ nous a exposé les grandes lignes de son plan dans sa parole. Si vous voulez en savoir plus long sur ces temps de la fin, vous pouvez consulter votre Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 afin d'être prêt. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, revient bientôt. Et quand il reviendra, Dieu merci, les enfants de Dieu n'ont pas à s'inquiéter du sort qui leur est réservé. Nous n'aurons pas à faire nos bagages, ni à revêtir notre plus bel habit ou notre plus belle robe. Nous n'aurons pas à nous préparer à ce moment, car si vous n'êtes pas prêts quand Jésus reviendra, il sera trop tard. Au signal donné par la voix d'un archange, au son d'une trompette, les anges descendront récupérer tous les croyants et les enlèveront sur des nuées. Ils les feront monter à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cet homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un homme digne de notre louange, de notre dévotion, de notre honneur, de notre amour, de notre service et de tout ce qui nous appartient. Quel genre d'homme s'assoira un jour pour juger toute l'humanité? Je sais qu'au jour du jugement dernier, je me tiendrai debout devant le juge de ma vie. Je sais qu'il me rappellera toutes les bonnes choses que j'aurai accomplies dans ma vie. Ce sera un moment bien agréable. Et ensuite, il abordera un sujet moins intéressant, les mauvaises choses. Ce n'est pas qu'il me jugera pour mes péchés, car son sang répandu pour moi sur la croix, il y a 2000 ans, a payé entièrement la dette de mes péchés, passés et futurs. Or, quand il me rappellera toutes les bonnes actions accomplies avec une mauvaise attitude ou une mauvaise motivation, quand il me rappellera toutes les mauvaises actions, les mauvaises pensées, le temps gaspillé ou les bonnes actions accomplies trop tard ou pas accomplies du tout, quand il me rappellera toutes ces bonnes actions préparées d'avance pour lui, pour que je les accomplisse, et qui m'auront trouvé distrait ou indifférent, oui, quand il me rappellera toutes ces choses, je sais comment je réagirai. Quand nous serons tous devant notre juste et saint juge, le juge de l'humanité tout entière, Jésus-Christ. Car la Bible affirme que Dieu a placé tout jugement entre les mains de son Messie. Je ne sais pas ce que vous ferez quand vous serez là, mais moi, je sais ce que je vais faire. Je pleurerai. Je pleurerai en voyant toutes ces choses que j'aurais pu faire dans ma vie, mais que je n'aurais pas faites. Je pleurerai en pensant à toutes ces opportunités que Dieu m'aura laissées sans que je puisse en profiter, à toutes ces occasions où j'aurais douté de lui, où je lui aurais désobéi, à toutes ces chances gaspillées. Je penserai à toutes ces choses non conformes à sa volonté en me tenant devant lui. De quel genre d'homme s'agit-il? Un des versets les plus chers à mon cœur se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Beaucoup de gens tremblent en lisant les prophéties de catastrophes futures contenues dans ce livre, mais on y trouve aussi la consolation, car il est écrit, au chapitre 21, verset 4, que Jésus essuiera toute larme de nos yeux. Oui, des larmes couleront, même pendant le jugement des chrétiens. Mais Jésus essuiera toute larme de nos yeux. Quel genre d'homme est ce juge de tout l'univers, qui a vécu de toute éternité et vivra éternellement, qui est né d'une vierge, qui a marché parmi les hommes en guérissant les malades, en touchant les lépreux et en chassant les démons? Qui est ce Dieu souverain, sans défaut, éternel et indescriptible? Le même genre d'homme qui, au jour du jugement, m'aimera assez pour se pencher vers moi, alors que je pleurerai à chaudes larmes pour me dire « Tout va bien. Tu sais que je t'ai pardonné. Et cette larme que je vois sera ta dernière pour l'éternité. » De quel genre d'homme s'agit-il? De Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, un homme digne de ma louange, de ma dévotion, de ma reconnaissance et de mon honneur. Devant quel genre d'homme se tiendra un autre groupe de personnes qui auront décidé de ne pas croire en lui, qui l'auront méprisé, ridiculisé, qui auront vécu dans la rébellion, qui auront résisté aux douces incitations de son Saint-Esprit, qui auront critiqué ses envoyés quand il essayait de les prêcher, de leur témoigner et de leur enseigner sa parole? Quel genre d'homme leur dira ce que personne ne voudrait entendre, le jugement dont tous ces incroyants se moquent aujourd'hui, car il concerne l'avenir et non le présent? Quel genre d'homme prononcera à ceux et celles qui ont nié son existence la sentence que nul ne voudrait entendre? Car tous ces cœurs endurcis entendront les paroles les plus horribles. Elles retentiront dans leurs oreilles à jamais. Ils ne les oublieront jamais. Comme vous le savez, il existe dans la vie ces moments que l'on n'oublie jamais. Nous pouvons tous nous rappeler une situation ou une autre qui restera longtemps gravée dans notre mémoire. Nous nous rappelons encore exactement comment nous nous sentions à ce moment. Nous faisons référence à ce moment où ceux et celles qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur se tiendront devant lui au jour du jugement pour entendre sa sentence. Oui, ils se tiendront devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le genre d'homme dont ils n'auront fait aucun cas de leur vivant. Ils le considéreront non pas comme un Sauveur, car ils auront raté leur chance, mais comme un Seigneur et comme un juge, leur juge éternel, qui devra leur dire, comme nous prévient l'Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 23, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceux et celles qui auront rejeté Jésus-Christ subiront à leur tour un rejet final dont on ne se relève pas. Avez-vous bien entendu? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne cherche pas à vous faire peur. Je ne fais que rapporter des paroles, dites il y a 20 siècles, qui sont encore valables aujourd'hui et qui le resteront aussi longtemps que l'humanité existera. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Je ne peux m'empêcher de penser, bien que la Bible n'en parle pas, qu'en ce jour, ces âmes, sans espoir, verront pour la première et dernière fois un Dieu pleurer. Quel genre d'homme sentira ses yeux se remplir de larmes quand il pensera à toutes les occasions où il aura tenté d'atteindre ses âmes perdues, toutes les fois où il leur aura envoyé un témoin, toutes les fois où ils auront entendu la vérité, toutes les fois où leur esprit aura été réchauffé par la prédication de l'Évangile, toutes les fois où on leur aura dit « Pourquoi ne croyez-vous pas en Jésus-Christ ?» Toutes les fois où, dans la maladie, ils leur ont prié et il les aura guéris. Toutes les fois où, dans la peine ou dans les tourments, dans la peur et dans le désespoir, ils auront crié à lui, sans qu'il leur réponde, car il les aimait. Car Dieu n'aime pas qu'on le prenne pour le Père Noël. Et si vous faites seulement appel à lui quand vous avez des problèmes, cela n'est pas suffisant. Il veut une relation à plein temps avec vous. Et s'il doit vous dire ces paroles fatidiques parce que vous lui aurez refusé votre cœur pendant toute votre vie, je me demande si vous ne verrez pas pleurer Jésus-Christ au moment où il vous dira ces paroles qu'il aurait préféré ne jamais avoir à dire. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'aimerais vous poser une question. Vous dira-t-il ces paroles? Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir répondre à cette question, écoutez attentivement ceci. Car toute votre éternité en dépend. Si vous n'avez jamais fait confiance personnellement en Jésus-Christ comme votre Sauveur, si vous ne lui avez jamais confessé vos péchés, si vous ne l'avez jamais reçu comme votre Sauveur personnel, en croyant que sa mort sur la croix a payé entièrement la dette de votre péché, si vous n'avez pas encore une relation personnelle avec Jésus-Christ, rappelez-vous bien ceci. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Et je ne parle pas ici d'une possibilité ou d'une probabilité, mais d'une absolue certitude éternelle. Écoutez-moi bien. Dieu existe et il a confié votre destinée éternelle à son Fils Jésus-Christ. Ce dernier a prouvé sa fidélité envers Dieu le Père et son amour pour vous en mourant sur la croix à votre place. Or, pour pouvoir vous approprier les bénéfices éternels de cette action d'éclat, vous devez personnellement faire confiance à Jésus-Christ. Sinon, quand vous mourrez, vous entendrez personnellement sa sentence. Peu importe ce que vous aurez fait de bien ou de mal dans votre vie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un homme digne de notre louange, vous dira ces paroles « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». J'espère de tout cœur que vous n'aurez jamais à entendre ces paroles. Charles Stanley a clairement identifié Jésus-Christ comme notre seul espoir de salut. Si vous n'avez pas encore admis votre besoin d'être purifié dans le sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour vos péchés, si vous ne lui avez jamais fait confiance pour le pardon de vos péchés, vous êtes destiné à passer l'éternité loin de lui dans l'angoisse. Mais il n'est pas trop tard. Acceptez-le comme votre Sauveur et Seigneur dès maintenant, car personne ne sait si vous serez encore vivant demain. Si vous acceptez son offre éternelle de salut, vous changerez une fois pour toutes le cours de votre destinée éternelle. Puisse Dieu mettre cette conviction dans votre cœur alors qu'il en est encore temps. Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir! Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.